derrière nos voix. Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement la la la derrière nos voix? Est-ce que entrevoir.